and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième épisode inédit de 2018. Mais on est surtout au 20e épisode depuis la création de l'émission et je me languis chaque semaine de vous retrouver sur Fadjet 94.2. C'est chose faite, on est en direct jusqu'à 20h. Un grand merci pour votre fidélité. Et pour vous remercier de suivre l'émission chaque semaine le lundi et sur Facebook en podcast, et bien vous pouvez désormais la retrouver le samedi en rediffusion à 18h30. C'est pour moi, c'est 2018, c'est cadeau. Tout comme la programmation de ce soir a commencé par une figure emblématique du paysage musical français, Julien Doré. Issu de l'album Bichon, la chanson Kiss Me Forever est de loin l'une des plus connues de l'artiste, avec un texte décalé, un clip assez original et une mélodie entêtante. Alors pour bien démarrer cette soirée, Kiss Me Forever de Julien Doré, bonne écoute à vous sur Fadjet. Bébé comme un enfant qu'on déguise, tu pleures et pleures encore, la rigueur est de mise, un souffle au cœur encore. Oh j'aime pas quand tu files, quand tu t'habilles en 4 secondes, retourne le vinyle. Ta dernière blonde. Kiss me forever. Écrit au lipstick. Kiss me forever. Au rouge métallique. Toujours tu pars sans laisser de mots. C'est comme une signature agrafée dans le dos. Tiens, les clés de la Punto. L'amour est dans le coffre. Y'a mon disque de Renault. Tiens, d'ailleurs, je te l'offre. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. C'est très difficile pour moi de faire une transition correcte entre Julien Doré et Alice Cooper. Parce que l'un est un chanteur à midinette, le second serait plus à égorger des enfants. Enfin, uniquement sur le papier, rassurez-vous, hein, puisqu'en bon rocker des années 70-80, il a quand même su traverser les âges et surtout s'assagir. Comme tous les rockers finalement quand on y réfléchit. J'ai toujours apprécié justement ces rockers au look atypique et décalé qui hurlaient avec des voix rauques et puissantes. Et c'est en préparant un blind test pour l'émission Génération VHS, d'ailleurs petite promotion, hein, le premier jeudi de chaque mois sur Fadjet à 20h, soyez tous au rendez-vous, Eh bien, je suis retombé sur ce titre d'Alice Cooper datant de 1997. Alors non, je ne vais pas vous laisser m'imaginer gamin de 10 ans faire du air guitare sur son lit avec le titre Poison à fond les ballons, non non non. Je vous invite plutôt à écouter ce titre et à apprécier un petit peu de rock dans l'émission parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez de la guitare électrique. Alors c'est parti! Music and the City, la musique des jeux vidéo sur Fadjet. Une fois n'est pas coutume, on retourne du côté des manettes de la PlayStation avec la bande originale d'un jeu vidéo. Et comme à mon habitude, vous commencez à me connaître, on reste sur la licence Final Fantasy avec le second épisode du 13e. Non, vous avez bien entendu, vous allez comprendre, je vous explique. Chaque jeu de la licence Final Fantasy a un numéro qui lui est attribué. Et chacun de ces numéros a son univers avec ses personnages et son histoire et sont tous indépendants les uns des autres. Mais quand un de ces jeux a du succès, alors la firme Square Enix propose alors une suite directe et de ce fait, en 2011, on s'est retrouvé avec un Final Fantasy XIII-2, digne héritier et suite directe donc du 13e volet. Et comme je viens juste de le platiner sur PS3 il y a quelques jours, je me la pète un peu, vous aurez droit à sa chanson phare qui s'intitule New World. Ce titre est interprété par la chanteuse Charis, que vous avez pu notamment découvrir en France dans Glee saison 2. Elle faisait un battle sur la chanson téléphone de Lady Gaga avec le personnage de Rachel. Bon, que dire de plus sur ce titre à part monter le son et profiter un maximum, c'est une de mes chansons préférées, alors profitez-en. Nothing but the love you gave me. Only thing. There's no going back. 19h30, 20h, Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Avec plus de 30 ans de carrière, on peut dire que Céline Dion a traversé les âges, les looks et aussi les tendances musicales. Celle qui a débuté avec de la variété s'est essayée à pas mal de styles, dont un qui me trouble encore aujourd'hui, j'ose l'avouer, celui de la bonne vieille pop acidulée de la fin des années 90. À l'époque, des stars montantes comme Britney Spears, Christina Aguilera ou encore NSYNC, Céline, elle a déjà la petite trentaine d'années et s'essaye à ce style pour redorer un petit peu son blason et se redonner un petit coup de jeune. Une expérience qui prendra justement place après son succès planétaire avec My Heart Will Go On, la bande originale du film Titanic, en 1997. Et pour ressembler aux jeunettes, autant faire appel au producteur en vogue de l'époque, Monsieur Max Martin en personne, celui qui a notamment fait connaître Britney Spears grâce à Baby One More Time. Donc oui, le titre That's The Way It Is aurait pu être chanté par Britney tellement le son est similaire au premier album de la jeunette. Mais bon, ça va quand même bien à Céline, on va pas lui enlever ça. Alors autant redécouvrir cette période dans Music and the City tout de suite maintenant, parce que Céline Dion, avec le nombril à l'air, ça valait quand même son pesant de cacahuètes en 1999. We'll be right back. évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Nous voici arrivés au moment séries télévisées. Parce qu'on peut en découvrir des pépites assez sympas dans les séries, surtout quand les acteurs commencent à pousser la chansonnette. Ce soir, on repart en 2012 avec la saison 2 de American Horror Story, une saison surnommée Asylum. Et que s'y passe-t-il dans cet asile ? Eh bien, beaucoup de tortures physiques et psychologiques. Pour les âmes sensibles, passez vraiment votre chemin. Pour les autres, courez vous procurer le Blu-ray de cette saison. Parce qu'à l'instar des jeux vidéo Final Fantasy, vous n'êtes pas obligé de voir toutes les saisons, puisqu'elles sont toutes indépendantes les unes des autres, avec une nouvelle histoire et de nouveaux personnages chaque année. Et pour la saison 2, l'inimitable Jessica Lange tenait le rôle de Sister Jude, une religieuse en charge de l'asile Briarcliff. Et suite au rebondissement du scénario, je ne vous raconte pas, une scène va lui proposer de pousser la chansonnette sur une reprise adaptée de The Name Game, tirée de la chanteuse Shirley Ellis. Le passage sera d'ailleurs sur la page Facebook dans quelques jours, c'est à voir absolument, mais la chanson, elle est tout de suite dans Music and the City sur Fadjet. Do you know your name? The name game. Judy, Judy, Judy, bo booty, banana, fana, fo booty, fee, fi, mo moody. Music and the City sur Fadjet. L'émission est terminée pour ce soir, mais pas que, puisque vous pouvez retrouver tout de suite, maintenant, le podcast sur le Facebook et surtout la rediffusion le samedi à 18h30 de Music and the City, ça fait toujours plaisir. Moi je vous attends très nombreux sur le Facebook, je vous dis à la semaine prochaine, surtout écoutez beaucoup de musique parce que c'est très important, ça permet de s'évader et je vous embrasse, ciao à tous.